travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Ce qui va suivre est un hommage rendu à une reine déchue. Vous savez, la fameuse petite reine de nos grands-pères bicyclistes. Au fait, comment va-t-elle, cette petite reine déchue? D'abord, visite à un enthousiaste. C'est normal, vous direz-vous? Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Paris, après plusieurs autres villes françaises, vient de réussir à rendre un bel hommage à la bicyclette, un hommage précis, concret et efficace. Vous avez compris que je parle du Vélib, qui s'est imposé en quelques semaines comme un instrument de liberté pour des dizaines de milliers de Parisiens. Je puis témoigner, vous me pardonnerez peut-être cette notation personnelle, que le dépôt qui est installé entre la Maison Ronde et la station toute proche du RER est particulièrement utile pour qui vient d'enregistrer une émission et a le goût de regagner le quartier latin en zigzagant avec allégresse entre les autobus. Quelque chose a changé dans le paysage urbain depuis quelques semaines, et on espère que les automobilistes soient plus prudents envers les cyclistes et que les camions eux-mêmes leur marquent quelques considérations. Voilà donc un retour en force du vélocipède, après des périodes où il avait pu paraître décliné au profit d'autres moyens de locomotion. Et voici le bon moment pour s'interroger sur les relations riches et complexes de l'homme et de la bicyclette à travers les âges. À travers les âges, j'exagère et je me laisse emporter par mon élan. Attendons depuis son invention à la fin du 19e siècle. Cela ne concerne pas seulement, bien sûr, l'histoire du sport ou des modes de transport, mais peut-être quelque chose de plus profond et de plus sensible au cœur de nos vies quotidiennes et de nos relations sociales, dans la durée de plusieurs générations, au travail et en vacances, en temps de paix et en temps de guerre. Mon invité ce matin, Philippe Tétard, maître de conférence à l'Université du Maine, s'est notamment spécialisé dans l'histoire du sport et les vélocipèdes n'ont pas de secret pour lui. Mon vélo, quand je te vois, je me dis que t'es vraiment le plus beau. La rondeur de tête ne t'en guide donc, le cuir de ta selle, tes crocs d'argent. Me donne frisson. Mon vélo, pédalant dans la douceur du petit matin, dans la sueur, la graisse et le goudron, nos corps s'unissant cherchent le plaisir des sens interdits. Ma bécane, ma bicyclette, ma petite reine, si tu ne veux pas me faire de peine, viens donc balader, nous irons voir passer le Tour de France. Philippe Tétard, bonjour. Bonjour. C'était Mon Vélo, du groupe TSF, 1987. J'ai choisi cette chanson, je vous la propose parce qu'elle me paraît déjà mettre sur la table un certain nombre des thèmes que nous avons à évoquer ce matin. Effectivement, le premier que j'y vois, moi, c'est l'histoire d'amour que les Français entretiennent, puisque cette chanson nous propose un registre assez ambigu, l'histoire d'amour que les Français entretiennent avec la petite reine depuis un peu plus d'un siècle. Il se trouve que les années 1880 sont celles où les Français commencent à s'enticher en masse de la petite reine. Donc, à un siècle de distance, nous avons un témoignage a posteriori de cet amour collectif. Un amour qui est tissé de beaucoup de choses. qui touche à l'histoire utilitaire de la bicyclette, bien entendu, puisque la première raison pour laquelle les Français se sont emparés de cet outil-là, c'est parce qu'il leur a permis d'aller plus vite, plus loin et plus librement. Mais il ne faut pas réduire évidemment cette histoire à une simple question utilitaire, puisque si on remonte un petit peu en amont, on a aussi une histoire élitiste qui, elle, est bien moins utilitaire. Il y a du rêve déjà dans les relations entre l'homme ou la femme et la bicyclette. C'est un espace de liberté conquis rapidement, en une vingtaine d'années, à partir des années 1880, avec un instrument, une bécane, un vélocipède, une bicyclette, un tricycle. L'objet porte de multiples noms et qui permet de casser les frontières dans lesquelles étaient enfermés la plupart des gens à la fin du 19e siècle. Une richesse en effet du vocabulaire, on peut s'y attarder un instant, puisque aujourd'hui encore il y a une sorte de binôme entre bicyclette d'un côté et vélo, venu de vélocipède de l'autre. Oui, alors d'aucuns spéculent beaucoup sur une distinction qu'il faudrait établir entre le vélo et la bicyclette. Alors il est vrai que le premier terme, c'est vélocipède, pour ne pas remonter à des expressions plus anciennes, et que dans les années 1890, un certain nombre de procédés nouveaux, de modernisation technique, donnent naissance à une nouvelle expression partant du cycle. Et bicyclette. Cycle, ça vient du grec kuklos, qui est lui-même, nous dit-on, issu de l'indo-européen kvel, qui exprimait tout simplement l'idée de tourner autour. De tourner autour d'un vélodrome, par exemple, ce qui est la grande mode de la fin du 19e. Alors que le vélocipède ne devient en réalité l'objet que nous connaissons que dans un deuxième temps. Le vélocipède, ça veut dire autre chose à l'origine. Oui, mais... C'est une voiture rapide, véloce, qui est tirée par des chevaux, quadrupèdes. Oui, c'est ce qu'il faut mettre en avant. La passion qui saisit les Français, c'est la passion de la vitesse. Alors, on peut parler peut-être un petit peu à la fois de terminologie et de vitesse. Sur le plan de la terminologie, il ne faut pas établir de distinction, c'est la même chose. Du reste, à la fin du siècle, on peut faire des distinctions sémantiques entre le vélo ouvrier et le vélo bourgeois aristocrate. Qui s'appelle plutôt bicyclette. Il n'y a pas une petite connotation sociale tout à fait. Entre bicyclette et un vélo. Un des grands clubs parisiens de la fin du 19e, c'est le cyclamen. Bon, le cyclamen, au-delà de la métaphore florale et aérienne, renvoie à l'existence d'un club huppé qui a ses bureaux rue Spontini, qui comprend une dizaine de serviteurs. Et puis face à ça, on a une autre réalité, qui est celle, par exemple, du cyclisme nordiste, où on a plus communément comme nom de club la pédale roubaisienne, ou plus au sud, la pédale stéphanoise. Donc il y a effectivement des registres sémantiques, mais la vérité, il me semble, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce chausse-trap, puisque, comme nous l'a bien dit Roger Chartrier, il ne faut pas définir par a priori culturel les catégories. Il faut étudier avant de savoir. Et en l'occurrence, peut-être faut-il le dire dès à présent, et nous n'y reviendrons pas, on ne connaît pas si bien que ça l'histoire sociale du vélo, puisque c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Nous allons sûrement susciter des vocations de chercheurs. En attendant d'évoquer l'histoire sociale, l'histoire technique, rappelez-nous comment est apparu cet appareil. Je veux dire qu'il faut dire un mot de la draisienne inventée par Monsieur Drey, oui, déjà alors, à l'époque de la monarchie constitutionnelle. Tout à fait, au début du 19e. Et puis, rappelez ce que c'était la draisienne. Un appareil que l'on poussait joyeusement avec les deux pieds. Il faut attendre une cinquantaine d'années avant qu'on arrive à des techniques toujours assez incertaines, finalement, avec le grand bi. Très difficile de manipulation. Et puis, le grand bi est caractérisé par le fait qu'il y a une très grande roue et une autre plus petite. Voilà. Donc d'un usage difficile, avec un pédalier placé à l'avant. Autour de la grande roue. Exactement, une selle très haute. En fait, ça n'est que dans les années 70, et en particulier grâce aux efforts d'une firme, la firme Michaud, qui avait les faveurs de la famille impériale. Monsieur Michaud, qui est un inventeur. Hein. Voilà. C'est un cas où l'inventeur et l'innovateur sont le même homme, ce qui est rare. Voilà. Et qui a créé une forme plus moderne du vélo, qui a connu un grand succès avant la guerre de 70, qui a donné beaucoup de difficultés à l'industrie vélocipédique, qui ne s'est relevé de cet événement-là qu'une dizaine d'années plus tard. Donc ce vélo, ce vélocipède développé par Michaud, avait les faveurs de la famille impériale, à tel point d'ailleurs que le fils de Napoléon III était surnommé Napoléon IV ou Vélocipède IV. Il est d'ailleurs notable que dès les dernières années du Second Empire, on ait songé à doter les facteurs d'appareils vélocipédiques. Les facteurs, et puis plus encore à partir de la fin du 19e, l'armée. Il y a déjà Monsieur Hulot et déjà des ancêtres, Jacques Tati a déjà des ancêtres, voilà, à l'époque de Napoléon III. Et les choses ne changent guère entre cette époque-là et la représentation qu'on peut en avoir dans Jour de fête, par exemple, tournée immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale. On y renonce d'ailleurs ensuite et on y revient qu'après. Il y a un moment décisif, c'est l'invention évidemment du changement de vitesse? Alors, l'invention du changement de vitesse est une invention très ancienne, c'est les années 1860, mais pour des raisons diverses, d'ordre technique, industriel, et lié aussi au refus des institutions sportives, le dérailleur va être en fait développé de façon industrielle uniquement dans les années 20 et 30. Pourquoi est-ce qu'on le refusait? Eh bien, principalement parce que, comme l'histoire sociale du vélo passe par l'histoire de la course cycliste, il se trouve qu'on refusait l'idée que les coureurs cyclistes puissent profiter d'un système qui leur permette de pédaler avec moins de difficultés. Ce qui fait que jusque dans les années 20, tout coureur cycliste, amateur ou professionnel, ou tout promeneur, était censé par exemple à l'arrivée d'une côte s'arrêter, changer sa roue arrière de côté, afin de pouvoir profiter d'un pignon lui permettant de grimper plus aimablement la côte qui s'offrait à lui. C'est ce que faisaient les coureurs du Tour de France, qui je le rappelle a été créé en 1903. Jusque dans les années 30, dérailleur pour où on installe le dérailleur, donc vraiment conduire un vélo. C'est l'expression qu'il faut utiliser pour l'époque. C'est difficile, d'autant que ça ne s'arrête pas au dérailleur. Il n'y a pas de roue libre. La roue libre, c'est évidemment le système qui permet dans une descente de se laisser aller à une vitesse au besoin exaltante. Mais à l'époque, il faut pédaler pour descendre. Alors nous évoquons l'aspect social de la bicyclette, du vélo. Très vite, il est l'objet de concupiscences diverses. Et très vite, le thème du vol de la bicyclette apparaît dans les consciences. Je vais vous faire écouter un extrait du très grand film du néo-réalisme italien, 1948, de Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette. Alors, parce qu'il faut pas de mensonge, je dois crever de faim. T'en prends à moi, je te kiffe. C'est pas de ma faute si on en a pas besoin. Patientez un peu, que diar, on arrivera sûrement à embaucher tout le monde. Il n'y a pas un seul maçon sur la liste. Eh ben, oui, Richie. Je suis là. T'es embauché. Je suis embauché? Oui, comme colleur d'affiche. Tu leur remettras cette carte. Et surtout, pas ton livret. Et nous alors, y'a rien? Depuis le temps que j'étais au chômage. Dis donc, quand c'est qu'on me prend? Y'a encore deux places de tourneur, mais t'es pas tourneur, toi. Non, je suis soudeur à l'autogène, c'est pas une raison, je veux quand même pas crever de faim. C'est bien, mais moi j'y suis pour rien. Hé, Richie, n'oublie surtout pas que tu dois te présenter avec une bicyclette. C'est marqué sur ta feuille. Une bicyclette? J'en ai bien une. Seulement j'ai dû... Je peux l'avoir vers la fin de la semaine. Non, il te la faut tout de suite, sinon on te prend pas. Ça n'a peut-être pas d'importance. Les premiers jours, je ferai le travail à pied. Enfin, écoute, Richie, est-ce que tu l'as, oui ou non, cette bicyclette? Si tu ne l'as pas, il faut donner la place à un autre. Moi, j'en ai une bicyclette. Et alors, tu crois peut-être que t'es tout seul? Moi aussi, j'en ai une. J'en ai une, j'en ai une, j'ai donné la place. Mais t'es maçon, toi, c'est une autre catégorie. Mais alors, t'as qu'à me mettre ailleurs. Non, tu dois rester où tu es. Alors, Richie, cette bicyclette, est-ce que tu l'as ou bien est-ce que tu l'as pas? Je l'ai, sois tranquille, demain, je me présenterai. Écoute, il faut pas te moquer de nous. Si tu te présentes sans bicyclette, tu te prendras pas. Oui, je retournerai au chômage. T'en fais pas, je me débrouillerai pour l'avoir. Cataldi, voilà, il y a une place de manœuvre au chantier de Tufelio, si ça t'intéresse. Je pense bien que ça m'intéresse. Alors présente-toi aujourd'hui avec cette carte. Et amène-le au travail. Mais j'en ai pas. Et ça fait rien, t'as qu'à y aller comme ça. C'était donc la version française du voleur de bicyclette. Je relève ce propos du grand Alphonse Allais, qui disait, qui observait très justement, un des gros ennuis de la bicyclette réside en l'étrange facilité de son larcin. Le cycle, en effet, a ceci de particulier qu'il sert lui-même à favoriser la fuite rapide de qui vient de le dérober. Ce qui n'arrive point dans mille autres cas, par exemple le vol d'un sac de farine ou d'un lot d'escargots. Et alors, cette question du vol de vélo permet de rebondir sur plusieurs points. Il était tellement problématique qu'à Lyon, on voit naître, à la toute fin du 19e, un argus des vélos volés, ce qui montre que c'était un problème effectivement très prononcé. Et dans puis, le cas du film de Sica, c'est en même temps très lié à l'histoire sociale, puisque tout à fait. On dit à l'ouvrier, tu ne pourras travailler que si tu as une bicyclette. À la condition sine qua non de pouvoir se déplacer. Sa bicyclette se trouvait trop trou, on peut le rappeler, enfin, tout à fait. Chez ma tante, au Mont-de-Piété. Par conséquent, il faut que l'ouvrier réussisse à l'en sortir, puis ensuite sa bicyclette est volée, etc. etc. Mais c'est, on est bien là au cœur d'une sensibilité sociale. Oui, oui, oui, on est au cœur de l'histoire sociale du vélo, de l'histoire même, je dirais, ouvrière du vélo, qui est évidemment un aiguillon absolument essentiel dans le développement, la massification, on pourrait dire, finalement, de l'usage du vélo. Les chiffres... Alors, il faut considérer, oui, s'agissant des chiffres, qu'en 1890, il y a, on pense, 50 000 vélos en France, que la barrière du million est passée à l'extrême fin du 19e et qu'on est déjà à 3,5 millions d'unités en 1914. Qui achète ces vélos? C'est majoritairement le monde ouvrier et le monde rural, bien loin du développement premier qui était celui des élites. Et il y a une véritable concordance, qui n'est pas celle-ci chronologique ou temporelle, entre cet état d'ouvrier, qui commence à composer une part grandissante de la masse salariale française, et la possession d'un vélo qui permet effectivement de se rendre au travail. À tel point d'ailleurs, petite anecdote, qu'en 1936, loin de revendiquer des congés payés, les salariés de chez Renault plaçaient devant les vacances l'idée d'obtenir un parc à vélo protégé de la pluie. Comment le sait-on ? C'est ce que demande le syndicat. Ça fait partie du catalogue de revendications de la CGT, juste avant l'élection du gouvernement de Front Populaire. D'ailleurs, tous les films du Front Populaire qui montrent les usines, enfin cette époque-là, tous les films montrent l'arrivée des ouvriers qui viennent prendre leur travail en bicyclette. Oui, cette espèce d'image d'Épinal qu'on retrouve aujourd'hui, plus trop en Europe, mais en Asie, avec des déferlantes vélocipédiques au travers des rues, a été une réalité européenne. Surchargée de colis. Et on a encore des films d'archives nous montrant la sortie de Boulogne-Billancourt dans les années 50, qui laissent voir encore cette nécessité de recourir, parce que le monde ouvrier n'en a pas les moyens, un moyen de locomotion assez peu cher, ou en tout cas dont le prix ne cesse de baisser, puisque, pour donner un ordre d'idée et sans entrer dans le détail, le prix d'un vélo par rapport au salaire ouvrier d'un vélo de moyenne gamme au début du siècle représente jusqu'à 30% du salaire annuel, alors qu'aujourd'hui, il représente grosso modo 0,5%. Donc le siècle du vélo est l'histoire d'une conquête sociale du vélo déterminée en grande partie par la possibilité qu'ont les classes salariées les moins favorisées d'accéder à la propriété de l'engin. Oui, ce qui frappe en effet dans cette période d'avant la Grande Guerre, c'est qu'il y a concomitance entre le vélo conquête populaire et la bicyclette affirmation d'un certain statut social. Je relève dans Le Roi des Zones de Michel Tournier cette citation qui me paraît tout à fait significative. Lutigneau parut, menant à la main une rutilante bicyclette, la bicyclette de Nestor. C'était une bicyclette de marque Alcyon, de couleur grenat, fileté jonquille, avec un guidon de course en acier chromé, agrémenté à gauche d'un mignon rétroviseur et à droite d'un gros timbre à deux sons, des pneus semi-ballons à flanc blanc et à l'arrière un porte-bagages sur lequel était fixé un catadioptre. Enfin, chose peu connue à l'époque, elle était équipée d'un dérailleur à trois vitesses. C'est une citation empruntée au grand Robert. Philippe Tétard, on a là l'affirmation d'une ostentation même. De la fascination et de la célébration d'un vélo qui effectivement, comme vous le disiez à l'instant, est un objet qui est en train de se populariser au début du XXe siècle, au moment même où les élites l'abandonnent. Pas tout à fait. On continue à voir, selon l'expression usuelle, des attelages de cyclistes réunissant tel ou tel duchesses et barons appartenant au beau club de la capitale, comme l'Omnium, par exemple. J'ai aussi sous les yeux une photographie de Pierre et Marie Curie, qui, en 1906, sont très fiers, je pense que c'est dans leur maison de l'Arquest, en Bretagne, d'arborer de très splendides bicyclettes. Ben, il est de bon ton à l'époque de se faire photographier parmi les élites, et notamment parmi les élites lettrées, de se faire photographier en compagnie de sa bicyclette, beaucoup de plumitifs, de petites catégories, mais aussi de grands romanciers se sont intéressés, ont écrit sur la bicyclette. J'ai ici Edmond Rostand également, splendide, avec des moustaches en croc et une bicyclette très belle, 1901. Et puis n'oublions pas Alfred Jarry, qui était, vous me passerez l'expression, un véritable fondu de bicyclette, comme on dit dans le milieu, qui connaissait absolument toutes les gammes et qui passait beaucoup de temps dans sa bonne ville de Laval à étudier les catalogues pour acheter le dernier modèle. C'est d'ailleurs le début de l'intérêt pour le sport, et en particulier pour le Tour de France, dont je rappelais qu'il apparaît en 1903 et qui se acquiert assez vite l'intérêt, l'adhésion, la sympathie, non seulement des classes populaires, mais des élites bourgeoises, en particulier parisiennes. Écoutez cette chanson des Sœurs Étienne, 1950, faire le Tour de France. J'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas sa peine et ses efforts pour devenir très fort, faisant de la gymnastique, de la culture physique, de rugby, de football, de basket, du handball. Il y gagna du souple et de bons muscles souples, à tous ses petits copains pouvaient rendre des points. Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait. Mais, faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. grand, arrivé à Paris en vainqueur, être sacré roi des pédaleurs, faire le tour de France. Bien vite il fit l'emplette d'une belle bicyclette, se mit à l'entraînement avec acharnement. Il gagna des épreuves, faisant ainsi la preuve qu'il pouvait des champions revendiquer le nom. C'est alors qu'une grande marque, un beau jour le remarque, lui offrant un contrat, aussitôt il signa, réalisant ainsi le rêve qu'il avait séduit. Oui, oui, oui, oui, oui. Faire le tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le tour de France, arriver à Paris en vainqueur, être sacré roi des pétaleurs. Faire le tour de France. Qui ont un vélo, la seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Le tour de France, arriver à Paris en vainqueur, être sacré roi des pédaleurs. Bien sûr, Philippe Tétard, il faut bien parler du Tour de France et s'y attarder un instant lorsqu'on évoque les relations de la bicyclette et des Français. Effectivement, on ne peut pas faire abstraction du Tour de France, qui est un formidable levier dans l'intérêt que les Français portent au vélo. Au début du siècle, le Tour de France est un facteur de mobilisation pour la bicyclette. On achète, notamment parce qu'on a envie de ressembler aux grands coureurs que sont Garin ou le géant de Colombes, autrement dénommé Faber. Et puis aujourd'hui, la médiatisation de ce tour, qui détermine, on le sait très précisément, des ventes records en aval et en amont de l'événement médiatique juilletiste. D'ailleurs, donc c'est vraiment un temps fort. Le président Sarkozy n'aurait peut-être pas choisi de consacrer quelques heures pour suivre une étape du Tour de France. Il semble que sa stratégie de communication politique passe indubitablement par... J'irais jusqu'à dire l'instrumentalisation d'univers sportif, Tour de France compris. De Gaulle, déjà, d'ailleurs, allait saluer le Tour de France, mais... Oui, il allait communément, il aimait les bains de foule, rencontrer les coureurs, serrer la main d'Anquetil, de Poulidor. On dispose d'une assez vaste iconographie à ce sujet-là. C'est sans doute le premier, d'ailleurs, qui a utilisé de façon aussi manifeste le vélo comme un outil de communication politique. Les hommes politiques de l'entre-deux-guerres s'étant plutôt tournés vers le football, qui était le premier lieu où on démontrait son attachement à une pratique, un spectacle populaire, en espérant en tirer quelques dividendes d'opinion. Dès la création du Tour de France, on voit se mettre en place une sorte de triangle, sport, presse et entreprise de fabrication des vélos. C'est toute l'histoire du Tour de France, et en deçà de l'histoire du Tour de France, c'est l'histoire du journal et de l'homme qui crée le Tour de France, pas seul, mais en grande partie Henri Desgranges. Henri Desgranges lance en 1900 un journal à la demande d'un consortium d'industriels qui souhaite voir naître, pour concurrencer le premier quotidien sportif français qui s'intitule Le Vélo et qui est un peu Dreyfusard, il faut le dire, qui souhaite lancer un titre sportif avec une information quotidienne sportive qui ne serait pas teintée par cette coloration Dreyfusard. Puis c'est intéressant, c'est pas toujours que l'affaire Dreyfus, entre autres, a infinies conséquences sur les sensibilités collectives, a été à l'origine de cette rivalité, l'auto contre le vélo. Et voilà, l'auto contre le vélo. Les deux titres. Donc une grande guerre de concurrence qui oppose Le Vélo, le plus ancien quotidien sportif français qui est dirigé par Pierre Giffard, et l'auto-vélo, qui bientôt deviendra seulement l'auto, à la suite d'un procès qui oppose les deux titres, et qui va évincer son adversaire, le vélo, en l'espace de 4 années seulement. Le Tour de France joue à cet égard un rôle essentiel, c'est le génie de Desgranges, vous le disiez, d'avoir inventé cette grande épreuve. Tout à fait, mais on peut mesurer quand même, et c'est assez inattendu, qu'au bout du compte, l'origine du Tour de France est un tout petit peu politique. Alors le Tour de France n'emballe pas immédiatement les foules. Ce serait construire une légende que de dire que les Français se sont passionnés aussitôt pour le Tour de France. D'abord, il faut leur laisser le temps de le découvrir. Et ça n'est qu'en 1907-1908 que, véritablement, lorsque Desgranges a l'idée de mettre la montagne au programme, que les Français commencent à se passionner tout à fait pour ces forçats de la route. Christophe, petit Petit Breton. Petit Breton, Faber, Garin, Théron, etc., tous les grands noms de l'époque, qui s'attaque donc à des difficultés extrêmes, puisqu'il faut mesurer que gravir le Galibier, le Ventoux ou quelque autre ascension à l'époque suppose de les grimper dans des chemins caillouteux, sans assistance, avec des difficultés tout à fait inouïes par rapport à aujourd'hui, et en emmenant, si vous le permettez, des bécanes pesant communément 20 kilos. Et puis naturellement, outre l'intérêt pour la presse, il y a un intérêt pour les fabricants de vélos, de bicyclettes, en particulier Peugeot. Qui se lance dès les années 1880 dans la production, dans la banlieue de Montbéliard, qui très vite se met à produire des dizaines puis des centaines de milliers de cadres et de vélos, et qui s'investit à ce point que la firme crée ses propres circuits avec des qualifications qui permettent au plus grand nombre d'avoir le sentiment de participer à cette grande messe de la compétition cycliste. Et au bout du compte, Peugeot arrive à tirer son épingle du jeu fort bien en devenant une des grandes marques de l'entre-deux-guerres, notamment à cause de cette très astucieuse politique de mobilisation des masses autour de critériums, ce que ne firent pas toutes les marques du début du siècle. On trouve aussi le duel Michelin-Dunlop pour les pneus. Voilà, dès la fin du 19e. Mais véritablement, les enjeux industriels sont au cœur de l'histoire compétitive du cyclisme et elles transpirent profondément dans l'histoire sociale du cyclisme. C'est par la compétition qu'on mobilise la plus grande des masses et également, nous l'avons dit tout à l'heure, au travers d'une nécessité, se déplacer, conquérir cette liberté formidable qu'offre le vélo d'aller vite d'un endroit à un autre. Finalement, nous retrouvons ici cette grande histoire qui est celle de la conquête de la liberté par les transports au 19e siècle. Le vélo en fait partie, comme le train et comme l'automobile. Le cyclotourisme. Le cyclotourisme se développe très tôt, expression même de la liberté. Alors, Védi, qui était un personnage qui a créé un journal qui s'appelle La Bicyclette dans les années 1890 et qui signait ses papiers du surnom de Veloccio, a été le grand défenseur, le grand promoteur du cyclotourisme dès la fin du 19e, hein, à longueur de livres, d'articles, etc. Et la greffe prend relativement vite. Puisqu'on estime qu'en 1914, il y avait déjà en France 140 000 cyclotouristes, qu'on appelait à l'époque des cyclistes touristes. Aujourd'hui, la Fédération française de cyclotourisme ne comprend que 120 000 licenciés. C'est dire la passion qui semble avoir saisi une partie de la population française qui, rappelons-le, en 1914, est une toute petite fraction pouvant profiter de vacances suffisamment longues ou de temps libre leur permettant de s'adonner au cyclotourisme. Parce qu'il faudrait évidemment faire un détour vers l'histoire de la législation sur le temps travaillé et le temps libre, qui permet de comprendre aussi sur quel calendrier, sur quelle chronologie les Français s'emparent du vélo. Et si les ventes explosent après 1906, ça n'est pas un hasard, c'est que nous avons là cette fameuse loi sur la libération du temps dominical, dont on sait très bien qu'elle n'a pas été forcément offerte pour des raisons qui relevaient de la gratuité. Mais en tout cas, là, il y a un effet de levier très très fort. Et c'est pourquoi la bicyclette et le tandem en particulier fait partie de l'image que nous conservons des conquêtes du Front populaire, et en particulier les congés payés, même si au début, les ouvriers qui sont partis ont été assez peu nombreux. On trouve dans les souvenirs de Léon Blum, ou plutôt dans son témoignage au procès de Rion, l'évocation émue de ces ouvriers qui, à bicyclette, avec une élégance simple, disait-il, pullover assorti, partaient comme ça pour des vacances qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Moi, je me souviens de Gilles Martinet, grande figure du socialisme français au XXe siècle. Un des fondateurs de France Observateur, auquel vous avez, Philippe Tétard, consacré un ouvrage important. Gilles Martinet, donc passionné de vélo. Et qui, avec Jean-Pierre Vernant, au début des années 30, partait en vacances à vélo, et qui lui aussi me rappelait ces déferlantes ouvrières au moment des grèves de 36, assez impressionnantes, avec des dizaines de milliers de personnages enthousiastes et parfois en colère au moment des grèves, circulant à vélo et célébrant de façon paradoxale, on le sait bien, la victoire du Front populaire. Et de surcroît, si j'ai bien compris, utilisant la bicyclette comme un élément de séduction. Comme un élément de séduction. On trouve la même notation d'ailleurs dans La paille et le grain de François Mitterrand. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a gardé essentiellement le souvenir du tandem. Il faudrait peut-être préciser que c'est peut-être une légende du Front populaire, cette affaire de tandem et vélo. On a quand même quelques photographies de Villironis, Cartier-Bresson et les autres. Et exactement, mais ce que j'entends par là, c'est que cette image presque légendaire, tutélaire, sorte d'image d'épinal du tandem qui aurait permis à des centaines de milliers de jeunes gens de partir en vacances, est complètement fausse. On sait très très bien, et là je refais un détour vers l'histoire du tourisme, parce que c'est absolument nécessaire, on sait très bien qu'il n'y a que quelques petites centaines de milliers de salariés qui partent durant l'été 36, on est loin d'une déferlante de tandem sur les routes de France. Tandem qui, pour terminer, avait quelques petits frères, le tridem, le quadrudem et la quintuplette, qui servaient aux entraîneurs pistards à tirer leur poulain. Quintuplette, c'est patent, j'aimerais bien avoir une photographie. Sur ces relations entre le Tour de France, le sport de haute compétition et le cyclotourisme populaire, une interview que fait Léon Zitrone en 1955 de Louison Bobet, très prestigieux vainqueur de Tour de France antérieure. J'ai mon micro, Louison Bobet, qui actuellement s'entraîne sur la Côte d'Azur. Louison, je ne m'en vais pas vous parler de vous, ni vous demander de nous parler de vous aujourd'hui. Je voudrais tout simplement que vous donniez quelques conseils aux jeunes gens qui, sans vouloir faire du cyclisme leur métier, veulent s'entraîner un petit peu, veulent faire de la bicyclette le dimanche après avoir travaillé toute la semaine. Eh bien, c'est une très belle chose parce que c'est un dérivatif, premièrement, pour eux. Et je crois que c'est très sain, car si on ne fait pas de compétition, comme vous voulez bien le dire, eh bien, l'effort physique, qui n'est pas exagéré, ne peut faire que du bien à l'organisme. Comment faut-il se couvrir? Comment faut-il s'habiller? S'habiller, eh bien, vous savez, ça c'est évidemment en fonction du temps, mais je pense qu'il ne faut pas trop se couvrir. Il y a évidemment le pantalon de golf bien connu, et alors le chandail, et peut-être deux pull-overs maximum, de façon, si l'on transpire, à ne pas être en nage quand même lorsque l'on arrive chez soi. Est-ce qu'il faut manger beaucoup avant de partir ou bien manger un tout petit peu seulement? Ah non, alors là je vous arrête même, il faut manger une bonne heure et demie avant le départ et s'alimenter très légèrement, mais plusieurs fois. Par exemple, en course, je mange moi une boulette de riz tous les 15 km, voyez-vous. Ah oui? Oui, mais très peu, de façon que l'estomac assimile plus rapidement ces choses-là et qu'il ne soit pas gonflé. Et c'est valable aussi pour les jeunes gens qui vont faire simplement une promenade. C'est exact, pour le cyclotourisme également, c'est sensiblement la même chose. Et est-ce que ça s'applique également aux jeunes filles qui, vers 17-18 ans, veulent faire un peu de vélo? Ah, là, vous savez exactement pareil, oui. Je crois que la morphologie de ces demoiselles sont les mêmes que les jeunes coureurs, oui. Bobet, je voudrais que vous me disiez ceci. Quelle est la distance à ne pas dépasser? Alors là, évidemment, beaucoup, justement, veulent faire des performances extraordinaires en accomplissant des 150-200 km. Eh bien, je crois que lorsqu'on a fait une distance de 60-80 km, c'est un beau maximum. Il ne faut pas aller au-delà. Mais vous savez, évidemment, qu'un cyclotouriste a un bon entraînement, il peut dépasser 100 km. Mais je dis bien, faut-il avoir un bon entraînement, car à ce moment-là, le rythme cardiaque, le cœur fatigue. Et alors, avant tout, il faut être entraîné. Autrement, ça fait plus de mal que de bien. Je vous voyais, Philippe Tétard, sourire en écoutant cette interview, et pas seulement au moment où Bobet évoque la morphologie de la jeune fille, semblable à celle du coureur. Oui, c'est-à-dire que les conseils sur les distances à ne pas dépasser apparaissent aujourd'hui un petit peu surprenantes. Beaucoup de cyclistes amateurs, et Dieu sait s'ils sont nombreux, puisqu'on dénombre aujourd'hui plus de 13 millions de Français qui revendiquent la pratique très régulière du vélo. Beaucoup d'entre eux font beaucoup plus de 60 à 80 km. Il y a d'autres raisons qui prêtent à sourire et qui en même temps posent des questions. C'est la dimension que souligne in fine Louison Bobet, c'est l'idée de dérivatif. C'est assez intéressant de l'entendre dans ces années 50 parler de sport ou de cyclisme, après tout, qui serait un dérivatif à d'autres activités moins avouables pour la jeunesse. C'est intéressant aussi de l'entendre parler de la dimension sanitaire. Le vélo fait du bien. Et finalement, ça nous renvoie aussi à l'archive des Sœurs Étienne que nous écoutions tout à l'heure. Les chansons, oui. Qui datait de 1950 et qui nous resituait dans ce long après-guerre, dans une situation où le sport, pas seulement le vélo, était vu, et depuis même la guerre, dans les textes du CNR, était vu comme un outil de remobilisation physique. Mais finalement, Bobet, une dizaine d'années plus tard, nous parle toujours de cette aptitude qu'aurait le sport à permettre à la jeunesse d'avoir une attitude morale, respectueuse, le fameux dérivatif, et en même temps à se faire du bien, et ce faisant, à faire du bien à la France. Alors, puisque vous parlez de la France, il faut parler aussi des vélos guerriers, puisque naturellement le vélocipède militaire s'est développé aussi, parallèlement à l'utilisation de cet engin, notamment par la poste. On a beaucoup réfléchi à l'utilisation de la bicyclette avant 1914. Voilà, sans que ce soit très convaincant. Dans les années 1890, on organise des régiments à vélo, on crée des vélos pliants, des vélos ceci, des vélos cela, mais qui finalement n'auront pas de postérité. Encore que la bicyclette a servi de moyen de liaison léger et rapide pendant la Grande Guerre. Oui, mais on l'imaginait comme une sorte de supplétif à la cavalerie, Et la chose n'a paru assez rapidement pas possible. On peut citer aussi, dans la catégorie des curiosités, les vélos ferroviaires et les vélos aquatiques. Alors, les vélos ferroviaires, qu'on appelle des drésines, à ne pas confondre avec la drésienne, qui étaient des vélos avec un principe assez malin, finalement, consistant à caler le vélo sur les rails pour pouvoir s'en servir et se déplacer au gré soit d'un voyage, puisque ça a été un moyen de locomotion dans les années 30. Nous parlions du Front populaire pour aller loin et vite, sans risquer de tomber, puisqu'on est calé. À condition de sauter vite, évidemment, s'il y a un train arrivé. Effectivement. Et puis, le deuxième usage est un usage, lui, professionnel, puisque très, très vite, ces drésines sont devenues des petits wagons à pédales qui permettaient aux ouvriers cheminots de se déplacer de point en point. Puis, il y a bien d'autres inventions que nous retrouvons aujourd'hui et dont, parfois, nous avons le sentiment qu'elles sont neuves. Je pense, par exemple, aux vélos d'appartement. Bon, le vélo d'appartement apparaît dans les années 90, on appelle ça le vélo room. Ah oui, il fait partie de notre sujet, oui. Voilà, je pense au pédalo. Le pédalo est c'est créé par plusieurs personnages en même temps qui entreprennent d'adapter deux flotteurs, une roue à aube et un pédalier, et de développer un objet extrêmement ludique. Et puis, il y a des inventions un peu plus farfelues qui n'auront pas de postérité, comme ce vélo sur lequel un inventeur de la fin du 19e avait décidé qu'il fallait pouvoir profiter de la force des jambes et des bras. Donc, cela supposait d'actionner en même temps qu'on pédalait les bras. C'était évidemment très difficile d'usage et le vélo n'a pas duré. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. C'est amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi. Je suis parti l'autre jour de plus tôt en vélo. J'ai vu des petits, des minces, des grands, des gros en vélo. Je suis arrivé en 3 semaines à Saint-Lô en vélo. Avec l'œil frais et deux furons blonds bas du dos en vélo. Sur la grande route, j'ai connu le grand amour. Je vis une fille aux grasques atours. Un jour, elle montrait ses jambes et d'autres horizons. Je me penchais bien bas sur mon guidon. Frisson, je fis demi-tour et dis où allez-vous? Elle me répondit, j'en sais rien du tout. C'est fou. Ah, ça tombe bien que je lui dis gaiement. Moi, j'y vais également. Je lui fis mon sourire le plus beau en vélo. Mais voilà que je dérobe dans une flaque d'eau en vélo. Je l'éclabousse et je tombe les jambes en ciseaux dans vélo. Elle me dit en s'esclaffant, vous avez tout l'idiot en vélo. Ce début n'était pas encourageant, il fallait remonter le courant. Pourtant, dans une guinguette, je pus l'entraîner, et c'est là que j'obtins mon premier baiser. Et puis nous repartîmes sous les bois, ça sentait les violettes et les noix. Bah quoi, c'est peut-être pour ça que l'on a sans mal mélangé nos pédales. On est rentré heureux comme des moineaux en vélo. Et chaque dimanche, on retourne dans ses poteaux en vélo. Mais il faudra un petit panier bientôt au vélo. Car dans 9 mois, il faudra emmener notre marmot en vélo. Georgius, en vélo, On est en septembre 1940, Philippe Tétart, et on ne sent guère le poids de l'occupation. Non, pas du tout. C'est surprenant, cette espèce d'insouciance qui semble traverser cette chanson. Mais en même temps, quand on connaît un petit peu, on se permet de faire une petite traversée de l'histoire de la chanson. On sait très bien qu'en 1940, il y a tout un pan de la chanson française qui est une chanson inquiète et aux besoins mobilisatrices déjà. Et puis un pan de chanson qui tombe assez facilement dans ce registre de l'insouciance, finalement, dans le refus de la réalité. C'est comme le cinéma d'ailleurs. Comme le cinéma. L'autre chose frappante dans cette chanson, au-delà de ce qu'on peut en dire de façon contextuelle, c'est quand même cette espèce d'ode à la liberté dominicale. On se retrouvera le dimanche, on voyagera dimanche. Petit clin d'œil de Georgius, il nous dit qu'il va de Puteaux à Saint-Malo. Il se trouve que c'était un putéolien, comme se nomment les habitants de Puteaux. Ils ont appris un mot. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est cette notion de liberté. Qui a vraiment été centrale dans l'histoire de l'adoption du vélo, parce qu'on en a peu parlé jusque-là, mais peut-être faudrait-il utiliser l'expression, c'est le cheval du pauvre. Hein. Le vélo de la fin du 19e coûte 10 fois moins cher qu'un cheval, et c'est évidemment une conquête formidable, aussi bien du point de vue financier que du point de vue technique et du transport. J'ouvre d'ailleurs une parenthèse à ce propos, puisqu'il y a un grand débat entre les grammairiens pour savoir si il faut dire « à bicyclette » comme on dit « à cheval », ou bien s'il faut dire « en bicyclette ». Écoutez ce propos de Dauzat dans sa Grammaire raisonnée de la langue française, 1947. Quand la bicyclette est apparue à la fin du 19e siècle, les puristes ont condamné l'usage naissant en bicyclette pour imposer à bicyclette, sous prétexte qu'on enfourche une bicyclette comme un cheval. Or, dit Dauzat, la bicyclette n'est pas une monture, mais un véhicule, et en se justifie d'autant plus que dans un véhicule voisin, mu par des pédales, le tricycle, on est dans un véhicule et qu'il est illogique d'opposer en tricycle à bicyclette. À ski, qu'on a aussi voulu imposer, est franchement fautif, car le ski est une chaussure et l'on doit dire aller en ski comme en pantoufles, en sabots et en patins. Vous voyez que l'histoire de la bicyclette touche aussi la question de la grammaire. Je vois. Et du bon usage. Et du bon usage de la grammaire. Il y a un autre aspect qui est évidemment moins net pendant l'occupation, parce qu'il y a de moins en moins de voitures, pour des raisons évidentes, faute de carburant, mais qui ressurgit aussitôt après, c'est le duel parfois farouche, et que nous connaissons encore aujourd'hui, entre les autos et les vélos dans la ville. C'est une vieille rivalité. C'est une vieille rivalité, elle date du début du siècle, et d'ailleurs sous des auspices assez surprenants, puisque les premiers promoteurs du vélo, les élites, très très vite tombent en désamour de cet objet qui se popularise. Et un certain nombre de grands défenseurs et de grands promoteurs du vélo de la fin du 19e auront au fait au début du 20e, dès lors qu'ils auront acheté une voiture, de se plaindre de cette foule grouillante de vélocipédistes qui les gêne quand ils font des voyages. Alors, plus largement, c'est vrai qu'il y a toujours une concurrence, et elle est encore plus accrue dans les années 50, à l'heure des Trente Glorieuses, où, nous le savons tous, l'augmentation progressive, très progressive du niveau de vie permet au plus grand nombre d'accéder à la propriété de tout un tas de biens, et notamment de la voiture. Et les années 50 sont à cet égard, après le grand choc du salon de l'automobile 1947, une mauvaise période pour le vélo. On s'entiche plus de petites automobiles permettant de partir en vacances, plutôt que de vélo. Et il faut attendre des années 60 pour voir progressivement l'industrie du vélo se relancer. Il y a également entre les deux la bicyclette à moteur, en particulier le succès du vélo Solex. On se rappelle que le célèbre feuilleton des années 60 qui a eu tant de succès, Jeannick Aimé, voyait l'héroïne se déplacer sur un vélo Solex au générique. Exactement, mais ces inventions sont toutes très anciennes. Par exemple, le vélo électrique dont aujourd'hui on nous vante tant les mérites existe depuis plus d'un siècle. Et ça c'est étonnant, oui. À cette difficulté près qu'il fallait à la fin du 19e le recharger avec une prise électrique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des accumulateurs qui permettent en pédalant de recharger la batterie. Pour montrer un aspect juridique de cette rivalité entre les voitures automobiles et les bicyclettes, je voudrais vous faire écouter propos d'un avocat, maître René-Georges Étienne, le 20 mai 1950, sur les ondes de la radio d'État. Mes chers auditeurs, la bicyclette est-elle ou n'est-elle pas un véhicule? Telle est la question dont disputent actuellement cours et tribunaux. Et la solution de cette petite controverse de vocabulaire français dépend la solution d'un problème juridique dont les conséquences pratiques sont fort importantes. En effet, si la bicyclette constitue bien un véhicule, les dispositions du chapitre 1er du Code de la route lui sont applicables et, par conséquent, en vertu de son article 10, le cycliste, en cas de croisement, possède la priorité sur le conducteur de tout autre véhicule venant de gauche. Si au contraire, la bicyclette ne peut être considérée comme un véhicule, le chapitre 1er du Code de la route ne s'applique pas aux cyclistes et le chapitre 5 qui les concerne plus spécialement ne réglant pas cette question de priorité, le cycliste, en cas de croisement avec un véhicule venant sur sa gauche, ne peut prétendre à la priorité. C'est aussi toute la question des pistes cyclables. En fait, on touche tout simplement à l'urbanisme. Tout à fait. Cette archive de 1950 est symptomatique. Je vous disais à l'instant que le vélo n'était plus véritablement en odeur de sainteté. 1950, voici qu'on nous dit que le vélo ne serait peut-être plus un véhicule. Point d'interrogation. Alors, il est vrai qu'une révolution s'est jouée depuis les années 70 et que le Vélib, qui nous réunit aujourd'hui, tire son origine d'une profonde révolution qui est celle de la conception de l'urbanisme. Il se trouve que dans les années 60, ce sont les villes nouvelles qui inspirent la construction des grands ensembles languedociens, par exemple, où on bétonne à tout va. Et pour aujourd'hui, nous sommes, par un phénomène de va-et-vient, héritiers d'une politique d'urbanisation et de valorisation des espaces verts qui est née dans les stations balnéaires et qui, progressivement, redessine, pas totalement, mais un petit peu, le visage des grandes villes, avec notamment l'apparition des pistes cyclables, qui est évidemment un des facteurs les plus importants qui explique aujourd'hui l'apparition de ces nouveaux modes de déplacement urbain. Tout cela, c'est très concret. Et puis, il y a le champ immense du rêve, de l'imaginaire, auquel je voudrais que nous consacrions maintenant notre conversation. On peut d'ailleurs partir tout simplement de Marcel Proust. On peut partir d'Albertine, dans Les jeunes filles en fleurs, qui surgit devant le narrateur avec une bicyclette à la main. Ce qui crée la force de l'imaginaire vélocipédique, c'est son aptitude à offrir la liberté. Et cette liberté-là, on la lit à peu près dans tous les registres de l'histoire sociale du vélo. Nous parlions du Tour de France tout à l'heure. Eh bien, Georges Vigarello a magistralement montré, il y a quelques années, combien l'imaginaire du Tour de France, donc l'imaginaire du vélo, a été un moment capital dans l'adoption du vélo par les Français, parce que, subitement, ils avaient le sentiment de pouvoir embrasser, si l'on veut, l'ensemble du territoire par le biais de ce formidable outil qui était le vélo et le Tour de France. Mais alors, du point de vue de la vie sociale aussi, et de la vie imaginaire des bourgeois d'avant 1914, je vous ramène à Proust et à Albertine. Albertine qui était une de ces inconnues, poussant devant elle sa bicyclette et qui, grâce à son corps maîtrisé, exécutait, c'est Proust qui parle, exactement les mouvements qu'elle voulait, en rappelant la fameuse maîtrise du comédien. Et le rêve de Proust se développe à partir de cela. Oui, le rêve de Proust est un petit peu anachronique par rapport à la réalité, c'est-à-dire que les jeunes femmes, les femmes à l'époque, sont loin de pouvoir profiter des joies vélocipédiques. Ce que laisserait comprendre ce texte-là, c'est très très loin de la réalité. Et on soupçonne même le vélo à la fin du 19e de pouvoir être extrêmement néfaste pour les femmes, au point éventuellement de les rendre folles. Les rendre folles. Une enquête de 1894 menée auprès d'un certain nombre de médecins parisiens qui précise qu'un usage invétéré excessif du vélo est susceptible de créer des crises d'hystérie, voire la folie. Comme toujours, cette littérature médicale renseigne plus sur les fantasmes des médecins que sur les réalités psychologiques des femmes qu'ils considèrent. Oui, ou le fantasme viril d'une société patriarcale qui refuse obstinément, et on sait que cela va durer très très longtemps, que l'émancipation féminine puisse se jouer. Vous m'étonnez un peu en me disant que les femmes ne faisaient guère de bicyclette au début du siècle, parce qu'on a beaucoup de photos qui les montrent, en particulier parmi les élégantes. Et puis, oui, mais d'une toute petite minorité de femmes appartenant aux classes les plus aisées de la société. Très peu de femmes appartenant au peuple se déplacent en vélo au tout début du siècle. Il en va tout à fait différemment une dizaine d'années plus tard, et bien entendu dans l'entre-deux-guerres. Ne parlons pas d'aujourd'hui, mais l'usage de la bicyclette, sans être interdit aux femmes, est quand même très rare et très très mal vu à la fin du 19e, puisqu'il place la femme dans une position qui, suppose-t-on, pourrait lui donner quelques plaisirs. Le vélocipède, selon les premiers manuels cyclistes à destination des femmes, devait, je cite, « avoir l'air de marcher de lui-même comme un cheval ». Les pédales entraînant les pieds, il devait être tenu normalement en promenade d'une seule main et poussé délicatement avec les pieds. Nous avons là l'héritage de tout le langage hippique et turfiste qui inonde littéralement l'histoire du sport et des usages sociaux du sport. Le turf ayant été d'ailleurs le premier mot signifiant sport en France. Et on ne peut pas s'étonner de trouver ces notions adaptées à la vélocipédie, puisque la première passion des élites, la première passion sportive des élites au XIXe siècle, c'est l'équitation et la course hippique. Toujours sur ces obsessions des contemporains, vous citiez Henri Desgranges. Il est également romancier. Oui. Également romancier. Dans un roman, il écrit ceci. Il présente le coureur cycliste comme un naïf qui manque de discipline, victime d'admiratrices qui ne cherchent qu'à assouvir leurs désirs dans les bras d'athlètes dont l'endurance était légendaire. Il écrit, je cite, « Les femmes en toilette tapageuse, accoudées à la balustrade, examinaient les coureurs, suivaient sur leur visage les traces de la fatigue, avec dans leurs prunelles de chatte un désir secret de savoir ce que feraient dans leur lit à elles des gaillards capables d'un tel tour de force. » Fin de citation. C'est pas ce que Desgranges a écrit de plus formidable, et d'ailleurs c'est pas son pain quotidien, puisque dans l'autovélo, il était beaucoup plus près de l'actualité sportive. Mais ça renvoie à une réalité qui est celle que, de toute façon, les femmes n'ont pas droit de citer dans l'enceinte sportive à l'époque, n'ont pas le droit de pratiquer en général. C'est un combat extrêmement difficile. Pierre de Coubertin, lui-même, refusait l'idée que les femmes puissent participer. Et c'est le fondateur des Jeux Olympiques. Voilà, le refondateur des Jeux Olympiques. Disons que la seule posture acceptable qu'elle pouvait avoir, c'est celle de spectatrice polie, réservée et applaudissante. On retrouve même l'hostilité à la bicyclette chez les natalistes de l'époque, chez tous ceux qui s'inquiètent du faible taux de reproduction de la population française. Certains vont jusqu'à expliquer que la hantise de la femme remplaçant pour son plaisir l'homme par la bicyclette, évidemment la bicyclette ne portait pas de chance qu'elle puisse du même coup avoir un enfant. Voilà, danger et fantasme un peu délirant, mais qui sont une vraie réalité de la littérature médicale de l'époque. Et la chose dure jusque dans l'entre-deux-guerres. En général, on considère que les activités physiques un peu trop prononcées, et là, en l'espèce, il y a tout un jeu de métaphores avec la selle et le pédalage, sont mauvaises parce qu'elles risquent de perturber le bon fonctionnement des organes reproducteurs, disons-le très clairement. Alors, sur les étranges idées perpétuées quant aux relations entre la femme et la bicyclette, encore une archive, ce sera la dernière, Philippe Tétard. C'est un hommage à la petite reine qui remonte au 6 octobre 1965. Ce qui va suivre est un hommage rendu à une reine déchue. Vous savez, la fameuse petite reine de nos grands-pères bicyclistes. Au fait, comment va-t-elle, cette petite reine déchue? D'abord, visite à un enthousiaste. C'est normal, me direz-vous, quand on est délégué de la Chambre syndicale nationale du cycle. Depuis 3 à 4 ans, les affaires sont bien meilleures. 950 000 vélos fabriqués cette année et 500 000 dérailleurs exportés aux États-Unis. Monsieur Henri Cochard est plus qu'octogénaire. Il a le mollet encore solide et pratique volontiers le lyrisme comme au meilleur temps de ses 20 ans. Est-ce que la bicyclette n'est pas le meilleur moyen de se promener? De se promener au grand air, dans un sentier de forêt. Et puis, il n'y a même pas que cela. Est-ce que la bicyclette n'est pas aussi le véhicule le plus élégant? Le véhicule qui se marie le mieux avec la ligne féminine? Une femme sur une bicyclette, est-ce que ce n'est pas vraiment le triomphe de l'élégance et de la grâce? C'était la déclaration, main sur le cœur, d'un fanatique ancienne formule de la bicyclette. Opinion d'un marchand installé rue Étienne Marcel à Paris. De plus en plus, on remarque maintenant une couche de clientèle nouvelle qui est apparue il y a à peu près 2 ans. Ce sont des gens d'un certain âge. Quand je dis certain âge, j'attends de 35 à 50 ans, si vous voulez, et qui, commençant à sentir les effets de l'âge, justement, essayent de réagir contre l'embonpoint, la fatigue, le rhumatisme, etc. Et aussi l'atmosphère empoisonnée des villes. Les dames achètent des vélos? Oui, oh, de plus en plus. Ça, cette saison, on a vendu beaucoup de bicyclettes de dames, relativement. Hein. Malheureusement, on est souvent obligé de leur faire une certaine éducation, parce qu'elles ne savent pas ce que ça veut dire. Hein. On leur parle de changement de vitesse, elles n'en veulent pas, alors que ça a été créé presque pour eux, pour elles du moins. Alors, la tâche du vendeur est assez délicate. Il faut tout de même faire son métier. Il ne s'agit pas de vendre n'importe quoi, sans on achèverait de les dégoûter. Toute une époque, tout un temps, Philippe Tétard. D'un côté, le rêve un peu fantasmé de la jeune femme à bicyclette. Hein. On voit presque à Verlaine les hauts talons lutettes avec les longues jupes. Oui. Et l'autre, l'incapacité, en quelque sorte, foncière, ontologique, des femmes à rien comprendre à la mécanique. Oui, on ne fera pas grief à notre témoin d'avoir oublié ou de ne pas savoir que le dérailleur n'a pas été inventé pour les femmes, mais inventé pour tout le monde. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que cette archive de 1965 nous renvoie à l'une des racines du phénomène que nous connaissons aujourd'hui, avec ces vélibs, avec ces vélos en accès libre dans un certain nombre de villes. Parce que le vélo a rebondi. Après une période, on nous parlait à l'instant d'un vélo déchu, et effectivement il l'est pendant une quinzaine d'années. Et puis, en 3 temps, il reprend du poil de la bête. Dans les années 60, au cœur des 30 Glorieuses, l'équipement automobile étant en phase d'aboutissement, les Français se mettent à racheter des vélos. Et deuxième chose, la surmédiatisation du Tour de France étant en marche. Grâce à la télévision. Et grâce à la télévision, joue un rôle absolument central dans la mobilisation de la consommation de vélos. Une vingtaine d'années plus tard, en 83-85, très précisément, apparaît un nouvel objet, le VTT, qui nous vient des États-Unis, qui est inspiré par ce qu'on appelle les sports de pleine nature. Vélo tout-terrain. Voilà. Et les Français s'en tichent, comme d'ailleurs la plupart des populations des pays occidentaux, de ces activités de pleine nature. Le VTT leur permet de parcourir les chemins qui commencent ici et là à être réhabilités dans le cadre des politiques durables de tourisme. Et donc, c'est une deuxième étape qui permet une flambée véritablement des ventes de vélos. Le VTT rajeunit le vélo, renouvelle son usage et en relance la mode. Et puis, très récemment, dans un contexte, c'est vrai, de préoccupation écologique qu'on a assez peu évoqué jusque-là, eh bien, l'augmentation de la consommation se poursuit. Aujourd'hui, 3,3 à 3,5 millions de vélos sont vendus en France chaque année. Chaque année. Voilà, la France pointe, selon les années, au 4e ou au 5e rang mondial pour l'achat de vélos. Donc, vraiment 3 temps qui remettent au goût du jour ce vélo. Et l'on ne saurait finalement s'étonner du succès du Vélib, puisque nous vivons depuis une quarantaine d'années des retrouvailles avec le vélo sous différentes formes, mais qui laissaient finalement peut-être préjager le succès du Vélib depuis le mois de juillet. Alors la question est de savoir... À Paris, bien entendu. La question est de savoir si tout ceci est un phénomène durable ou un épiphénomène. La question peut se poser. Il y a effectivement cette formidable réussite parisienne. Et puis à côté de ça, l'exemple rennais qu'on peut donner, où seulement 1% des Rennais qui disposent de vélos depuis 1998 s'en servent. Donc, il faut attendre un peu avant de savoir si effectivement les choses vont s'installer. Ah bon, voilà un peu pessimiste alors. Je me pose des questions. L'aspect écologique est évidemment très important, car c'est un ressort tout à fait nouveau pour le succès retrouvé de la bicyclette. Oui, mais je pense qu'il y a des ressorts plus profonds. Je pense que c'est un écran de fumée. Et effectivement, c'est un élément extrêmement mobilisateur, mais je pense qu'il y a tout un tas d'autres facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui, les Français se plaisent à emprunter des vélos dans les villes. Très rapidement, leurs préoccupations de santé et de détente. Finalement, en rentabilisant un temps de transport totalement improductif, eh bien, on réhabilite la possibilité de regarder autour de soi et de se faire du bien sur le plan sanitaire. Il y a d'autres raisons, la baisse du coût du vélo, etc., etc. On pourrait donner bien d'autres facteurs qui expliquent cette réussite. Eh bien, nous nous en tiendrons là, Philippe Tétard. L'ouvrage où vous évoquez toutes ces questions s'intitule « Histoire du sport en France, de la libération à nos jours ». C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, qui a été publié chez Vuibert en 2007. Nous avons aussi utilisé un joli ouvrage, notamment avec des très belles photographies, publié par les éditions Ouest France en 2005. « Il y a un siècle, le vélo », le texte de Jean-Noël Mouret, l'iconographie de Ronan Dantec. Je rappelle que vous pouvez écouter cette émission pendant un mois sur le site internet de France Culture et bien sûr, si vous le souhaitez, la télécharger. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet avec Agnès Chauveau, Patrick Molinier, Meryl Moneghetti, Virginie Gresset, Éric Boisset et pour les archivinas, Véronique Jolivet. À bicyclette.